chez Galaxy Pop, on fait pas pour faire, mais pour se parfaire. Blast the world, burn! Et si on parlait un peu de ce débat sensible, l'accompagnement de fin de vie, l'euthanasie. Je sais, et je comprends parfaitement, que ce soit un sujet sensible. Il touche à l'intime, à notre rapport à la mort, quelque chose de définitif et d'éternel. En revanche, je n'accorde aucune place à la religion dans ce débat. La religion, c'est comme une bite. Tu peux en avoir une, mais t'es pas obligé de l'agiter sous le nez des autres. Qu'on se comprenne bien. Je n'ai aucun souci avec aucune religion. Et vous avez parfaitement le droit de vivre et de mourir, en l'occurrence, en suivant ses préceptes. Mais vous ne pouvez pas l'imposer aux autres. Si le droit à l'euthanasie existe, il appartiendra à chacun de décider de ce qu'il en fait. Bref, autant je peux entendre les arguments moraux, éthiques, mais la religion ne devrait pas avoir sa place quand on parle de droit et de loi. Je sais que le sujet est sensible, c'est pour ça que je n'en parlerai pas trop, mais plutôt du contexte. Néanmoins, comme tout à chacun, j'ai un avis sur ce sujet, qui n'engage évidemment que moi. De base, je serais plutôt favorable à ce projet. Je me suis souvent demandé pourquoi on accordait le droit de mourir dignement et avec le minimum de douleur à nos chers animaux de compagnie, décision douloureuse certes, mais souvent présentée comme miséricordieuse, mais qu'on le refusait à nos aînés, les laissant parfois dépérir très lentement, physiquement, intellectuellement et moralement. Attention, je ne compare pas un être humain et un animal de compagnie, juste les arguments qui pourraient s'appliquer aux deux. Bref, je m'égare, mais je ne cherche à offenser personne avec cette chronique potentiellement douloureuse. J'ai vu pendant plus de 10 ans ma grand-mère appeler la mort de ses vœux, se plaindre que c'était trop long, puis ne plus marcher, ne plus parler, tout oublier, souffrir, littéralement ne plus vivre, 2 ans avant de décéder. Pour aussi difficile que ce soit de dire ça, mais ça aurait été bien qu'elle puisse avoir le choix. Peut-être qu'elle ne l'aurait pas fait, elle n'était pas une contradiction près, ma mamie, mais elle aurait pu moins souffrir. Gardons en mémoire que quel que soit notre amour, nos envies, tout cela s'arrête toujours. Quelques moments de souffrance en moins, ça peut en soulager certains. Bref, ça c'est ce que je pense sur ce sujet. Mais ce qui me chiffonne, c'est le timing. La miséricorde, c'est pas ce qui caractérise le plus notre société actuelle, et encore moins les raclures qui nous gouvernent. Alors pourquoi cette loi maintenant? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de notre société de débattre autant pour une fin de vie digne et aussi peu pour une vie digne? Parce que l'exemple de ma mamie, c'est clairement pas le plus représentatif de ce qui me semble visé ici. Elle a eu une fin de vie difficile, certes, comme de nombreuses personnes âgées, mais ça s'arrête là. Elle n'a pas été mal formée à la naissance, polyhandicapée ou d'autres pathologies lourdes. Mais pour cela, ceux dont la vie s'apparente à une souffrance continue, pour qui prendre le métro est impossible, pour qui un travail est impossible, pourquoi leur proposer plus facilement une mort digne plutôt qu'une vie? Dans une société où tout à chacun pourrait vivre dans la dignité, avoir accès à des soins de qualité, ce débat serait totalement sain et légitime, mais là... Je trouve étonnant qu'un gouvernement qui ferme des lits d'hôpitaux, même en période de crise, dans un pays où tout le monde n'a pas accès à un généraliste, où les rendez-vous de spécialistes doivent être anticipés avec un an d'avance, où les handicapés sont traités avec mépris, comme des freins, où les malades psychiatriques sont abandonnés, et où les médicaments se raréfient aussi vite que l'intégrité de nos dirigeants. Bref, je trouve très surprenant de parler de bonté d'âme dans un contexte aussi cynique, où clairement nos vies valent moins que les profits potentiels. J'ai l'impression qu'on va vers quelque chose de dégueulasse. Je ne sais pas si vous y êtes confrontés, mais nous subissons en ce moment une pénurie d'antidépresseurs, et en particulier ceux qui traitent également la bipolarité. Plus de 14 médicaments très prescrits, comme la quetiapine et le lithium, sont très difficiles, voire impossibles à se procurer. Et à votre avis, il se passe quoi quand on sèvre brutalement les malades qui en ont besoin? Quand quelqu'un qui a des idées noires, des pensées suicidaires, n'est plus aidé ou soutenu dans sa guérison? Surtout que ces maladies font bel et bien partie des maladies incurables. De la même manière, il revient de plus en plus dans les médias le coût des traitements, dits lourds, cancer, myopathie, etc. Ce petit bruit de fond désagréable qui laisserait à penser que les malades sont un fardeau pour notre société. Tout cela mis bout à bout me fait plus penser à une loi eugéniste proche de Soleil Vert. Surtout si on regarde le délit d'entrave associé. On a déjà vu à quel point ce genre de délit flou peut être détourné de son usage initial avec l'apologie du terrorisme, par exemple. Et puis même avec les meilleures intentions, pourquoi laisser le flou? Ça veut dire quoi? Que la ligne SOS-suicide deviendrait illégale? Que je ne pourrais plus dire à un copain « Fais pas le con Gaston, la vie est peut-être belle quand même » Ou juste que les médecins n'ont pas la possibilité de nier ce droit? Mais dans ce cas, pourquoi elle ne pourrait pas refuser une euthanasie, mais toujours l'IVG? Ça devrait aussi s'appliquer à l'IVG, ce genre de délit, non? Et allons plus loin, à tous les soins destinés aux transsexuels. J'ai vraiment la sensation que dans ce cas précis, on veut éliminer ceux qui ne sont pas rentables par une loi eugéniste. Peut-être que certains signataires sont sincères, mais ne voient pas le contexte par dogmatisme. Mais le climat actuel qui vise à stigmatiser une partie de la population et à faciliter la disparition des souffrants plutôt que celle de la souffrance, me rappelle mes cours d'histoire et me fait craindre le pire. Et cette fois, je sais que je suis pas le seul.